Mon Dieu, je sais qu'aux yeux du monde, je parais très fort peu sensé. Est-elle brune, est-elle blonde? Son nez est-il droit, retroussé? Est-elle laide ou bien jolie? Ainsi que vous qui me charmez. Je l'ignore, je me marie les yeux fermés. Oui, vraiment, je me marie les yeux fermés. Avant la noce, on voit sa femme, c'est dans les usages reçus. Un an après, monsieur, madame, se quitte pour s'être trompés. Moi, je mets plus de fantaisie dans les dessins que j'ai formés. Moi, mes enfants, je me marie les yeux fermés. Oui, vraiment, je me marie les yeux fermés.